qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Allez, c'est déjà mieux. Alors, le gouvernement Michel, le gouvernement des patrons, il nous dit que c'est pour notre bien qu'il réforme, que c'est pour notre bien qu'il massacre les pensions, que c'est pour notre bien qu'il bloque les salaires, que c'est pour notre bien qu'il démantèle la sécurité sociale. Et nous, on va lui dire